بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. ألا وتعلموا أننا لا نستحل دين الرافضة، ولا نستحل أموالهم، ولا نستحل أعراضهم تدينا، ليس خوفا من أحد، ولكن ديننا، يجعلنا نقول هذا ونقف عند هذا الحد. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. كشف إرجاء محمد الإمام في تبرئة زنادقة الرافضة من الكفر لفضيلة الشيخ المجاهد أبي حاتم سعيد بن دحاس المشوش اليافعي رحمه الله تعالى. تخرج كومنتي با أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. انتروداكسيون. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، فكما علمتم من سنوات عديدة وطويلة قد حجم على هذه الدعوة المباركة في هذا البلد المبارك الذي هو اليمن فتنة عظيمة ومكر كبير، خصوصا على المركز الذي كان في ساعدة، يعني بالدار الحديث بالدماج الذي مؤسسها هو العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ثم بعده خليفته الذي هو الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Donc comme vous le savez, ça fait déjà un bon moment, plusieurs années, qu'il y a une grosse fitna, une offensive virulente qui a été lancée contre la Dawa Salafia qui se trouve dans ce pays Moubarak, le Yémen, et tout particulièrement contre le centre qui était à Damaj, qui aujourd'hui n'est plus à cette heure, c'est-à-dire l'institut en soi, mais la Dawa est toujours présente. Et dont ce merkez a été fondé par Al-Allama Yani Shah Mokbil rahimahullah ta'ala, qui par la suite a fait succéder sur sa chaise son plus grand étudiant, qui est notre Shia Yahya Havizallahu ta'ala. De son vivant, Shah Mokbil, pour son grand âge et sa grande science et on va dire sa prestance, n'était pas vraiment touchable, d'accord, car il est connu que les gens du faux généralement n'osent pas vraiment s'attaquer à ce qui est trop grand pour eux. Donc de là, de son vivant, sûrement des gens devaient déjà aspirer à le faire tomber, à lui faire du mal ou à s'en prendre sa darwa, mais Shah Mokbil c'était quelqu'un de très clairvoyant, et c'est quelqu'un qui était vraiment, on va dire, strict par rapport à la darwa, qui rigolait pas. Il rigolait pas, ça veut dire, car les savants ils diffèrent, t'as des savants qui parlent moins que d'autres, ça veut pas dire qu'ils voient pas. Mais il y en a qui parlent moins que d'autres. Un savant, c'est un être humain, il a des sentiments, il a un caractère comme tout le monde. Tu vois, des savants qui vont parler vite, tu vois, et d'autres qui vont prendre plus de temps. Tout ce qu'il faut, c'est que ça n'amène pas des mukhalafa. Celui qui parle vite, s'il est sûr d'avoir une preuve, il a le droit d'attendre, il a le droit de parler vite. Il a le droit de parler vite. Il y a plusieurs preuves qui sont venues que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était averti de certaines choses, de certains faits, il montait sur le minbar directement, il était en colère et il parlait. Il n'attendait pas à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et des fois, tu as des cas où, pour la maslaha, tu conseilles la personne en privé, ainsi de suite, pour tenter de la faire revenir. C'est une personne que tu connais du bien d'elle, donc quoi, t'as dit, ça amène ça sert bien à la personne. C'est un hofnezun par rapport à lui, un bon soupçon. Tu espères qu'il revienne, tu dis peut-être qu'il s'est fait duper, peut-être qu'on l'a trompé, je vais le conseiller pour qu'il revienne. Mais cela ne doit pas t'amener à t'en prendre à ceux qui auraient vu des erreurs de lui. Par exemple, toi, on dit que, Messalène, t'as des akhta. Quand même, moi j'ai vu tes akhta. Je suis au courant, des gens m'informent. Et d'autres frères comme lui ont vu des harta aussi. Des harta, vraiment des harta. Pas des trucs, tu vois, des trucs vraiment normalement à la base où on blâme ce que tu as fait. Donc moi je me dis, c'est le frère, je vais le conseiller, Inch'Allah il va revenir. Je le connais depuis longtemps, j'ai toujours vu de lui qui acceptait le conseil, j'ai vu de lui un amour pour la salafia et tout. Et l'autre, eh ben lui il dit non. Parce que lui, ce frère-là, il est écouté par des gens, donc ses erreurs vont se propager. Et les gens vont se faire avoir parce que justement, à la base, il est aimé, reconnu comme étant une personne, tu vois, fiable. Donc eux, ils critiquent tes erreurs. Donc moi, de là, là, le fait que je te conseille ne me permet pas de m'en prendre à cela. Et dire qu'ils font la fitna, qu'ils font la division, qu'ils font, et se faire tourner le match à toi. Si je suis conscient et que je suis sûr que tu as des erreurs, j'ai pas le droit de m'en prendre à ceux qui dévoilent ces erreurs. Je peux leur dire, les frères, on y va doucement avec lui, peut-être qu'il va en venir, mais de dire, ouais, ils font la fitna, c'est le problème, ça c'est une rien, ça c'est une trahison. J'ai pas le droit de faire ça. Tu vois? Donc moi, je te conseille en privé, mais je ne peux blâmer ceux qui ont ces erreurs et qui les démontrent scientifiquement. Ilmiyan. Ils montrent tes erreurs avec des adillah, j'ai pas le droit de les blâmer. Tu vois? Je peux leur dire, les frères, peut-être qu'il va revenir, on y va doucement, mais vous dire que vous faites la fitna, vous faites la fourka, vous êtes mutachad didoun, vous êtes, j'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que ça, je m'en prends à quoi? Au haq. À la base, c'est vous qui avez raison. Juste moi, je veux même Elihsan. La bienfaisance, je veux le faire revenir. Mais toi, tu veux bien le haq. Donc, j'ai pas à te blâmer normalement pour ça. Vous voyez? Donc, de là, comme vous savez, il y a eu cette fitna qui a eu lieu au Yémen. Alhamdulillah, il y a déjà eu des audios, des redoutes, plein de choses qui ont été démontrées pour montrer qu'en fait, c'est un complot mis en place depuis bien longtemps. Ce n'est pas une histoire de Sahaba. Ce n'est pas une histoire de Hazan Rahman. Ce n'est pas une histoire de ceci, cela. L'histoire, c'est une histoire de da'wah. De da'wah. De gens qui veulent le contrôle, de hasad, de jalousie, et ainsi de suite. Pour preuve, depuis toutes ces années, on n'a pas eu un seul support écrit ou audio démontrant des erreurs irréfutables. Jamais. Ils ont commencé par des gens avec des pseudonymes. Si t'as le haq, t'as pas besoin de te cacher. Ça? Si t'as le haq, t'as pas besoin de te cacher. Tu vois? On a eu droit à quoi aussi? À des manigances par en dessous. T'achètes des gens, donne de l'argent aux gens, casa par en dessous. On a eu droit à quoi? À des audios cachés. Je ne suis pas en cachette. En privé, mon audio se propage. Et sur mon audio, il n'y a rien. Il n'y a pas une preuve, il n'y a rien du tout. Ouais. On a eu droit à quoi? À des alliances et des aveux restreints. Des gens qui reconnaissaient la vérité. Du jour au lendemain, c'est parce qu'il leur arrive, hop, ils se retournent contre toi. Tu vois? Il y a des textos, il fait, ouais, c'est vrai, t'as pas fait ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge sur toi. Le lendemain, hop, il se met contre toi. Je ne sais pas pourquoi. Sans même qu'ils t'appellent, qu'ils disent, ouais, en fait, j'ai compris, tu m'as eu, tu m'as dupé. Non. Du jour au lendemain, comme ça. Il y en a collé par Alec. Vous voyez? Et vous savez que Charles Mokbil avait des toulabs, d'accord, des toulabs, qui aujourd'hui ont été, à la base, étaient considérés comme étant les savants du Yémen. On ne peut pas le nier, c'est vrai, avant tout le monde disait c'est les savants du Yémen, El Mashayir, comme on dit. Mais la réalité, c'est qu'un savant, en fait, n'est pas reconnu forcément par les tests qu'il y a, mais il est reconnu par sa science et son application. De moi, tu peux dire un tel, c'est Allama, faire des éloges de malade sur lui. S'il ne l'est pas, ça va se voir un jour. Vous voyez, je peux dire, lui, ce frère-là, je le connais, il est, ah, mashallah, il a Sahih Bukhari et musulman par cœur. Il connaît bien les règles. Et quand je l'interroge, je me rends compte qu'il n'a même pas appris de Nawawi. Tu vois? Donc j'ai fait une éloge exagérée sur lui. Ou, moi, j'ai cru qu'il avait ça. Et depuis, il l'a plus. D'accord? Depuis, il l'a plus. Il a changé. Il a commencé à régresser. Donc moi, à mon époque, il était à la khay. Et après, il a régressé. Tu vois? Ou, ben voilà, khay, inshallah, ça sera le tien. Ou également, t'en as qui laissent apparaître ce qu'ils n'ont pas. Et également parmi les choses qui font clair, on a ma femme Teskia, des fois c'est pour encourager, un tajir. Des fois un shir, il va appeler un autre shir, pour l'encourager. Parce qu'il voit qu'il est dû en khayr, tu vois, par exemple il va ouvrir un merkez, un masjid, il se dit, en appelant shir, Inch'Allah, ça va l'encourager lui, à prendre en charge cette responsabilité, et les gens vont venir vers lui, affluer vers lui, et Inch'Allah, il y aura du khayr. Des fois c'est un tajir aussi. C'est un tajir. Donc par rapport à ça, Shir Mokbir, rahimahullah ta'ala, avait des toulabs. Et des toulabs plus grands que d'autres, auprès de lui. Et avant de décéder, il a fait une wasiya, testament, dans lequel il nomme certains principaux, vers qui revenir en cas de problème. D'accord? Et dedans, c'est dedans aussi qu'il dit que Shir Yahya, rahimahullah ta'ala, prendra sa place dans le merkez. Parmi ces mashirs nommés, un est déjà tombé aux yeux de tous. C'est Abul Hassan le Misri, qui était parmi les grands toulabs de Shir Mokbil, sur qui il y avait un grand espoir. Les gens l'aimaient beaucoup, considéré comme un alim à son époque. Il avait des disquettes de tout le monde. Il avait des kutoubs, des mu'allafat, plein de choses. Et lui, une fois que Shir Mokbil est mort, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Des gens ont entendu lui dire Zahaba zaman el khawf. Le temps de la peur est fini. Il a dit maintenant, je sors. Shir Mokbil était là, je ne pouvais rien faire. J'avais quelque chose, il m'aurait mis en place. Mais comme il n'est plus là, et maintenant il ne reste que ces petits toulèbes, eh bien eux, ils vont rien me faire. Eux, j'ai rien à craindre d'eux. Je suis plus grand qu'eux. Donc, il est sorti. D'accord, il a fait sa fitna. On sait ce qui s'est passé. Shayaha parlait sur lui, après les ulama ont suivi, ainsi de suite. C'était fini pour lui. Non pas par Shayaha, mais par ses erreurs. C'est ses erreurs qui l'ont fait tomber, c'est pas les hommes. Juste Shayaha ou d'autres savants ont démontré ses erreurs aux yeux des gens, avec des preuves. Après, est venu un autre qui s'appelle Saleh al-Bakri. Lui, pareil, c'était un toulab dans le hadith de Demaj, sur qui il y avait des espoirs, et qui a commencé à avoir du rouleau. Hein. Lui, je crois que c'était par les branches de Fa'al al-Harbi, ou un truc comme ça, c'est venu un petit peu après lui. Pareil, sans vouloir entrer dans le détail, il a fait sa fitna. Elle n'a pas été aussi grosse que celle d'Abou Hassan. Alors, et lui aussi, à la finale, il a fini par tomber à cause de ses erreurs qui ne revenaient pas. Naam. Après est venu qui ? Abdurrahman al-Adani, qui lui-même... par contre, Saleh Bakri, il n'est pas sur le testament. Il n'est pas dessus. D'accord ? Juste Abou Hassan. Et après, Abdurrahman al-Adani. Nous, la fitna, on a déjà parlé pour ne pas avoir à s'étaler dessus, qui aussi est venu, dont les erreurs ont fait tomber. Cependant, lui, ce n'est pas tout le monde maintenant qui accepte ce jugement sur lui. D'accord ? Pas tout le monde qui accepte cela. Maintenant, l'origine de ce qu'a fait Abdurrahman al-Adani, comme cela a été démontré, il n'était qu'un employé avec, on va dire, des patrons derrière lui. Parce qu'Abdurrahman al-Adani, à la base, personne ne le connaissait. Majhoul al-Ain, illa inda ahl al-Yémen, wa ba'd man qad jalasa fi Damaj. Certains qui sont déjà assis à Damaj. En France, il y avait juste un article de lui qui était sur le site salaf.com sur la hijra. Des questions sur la hijra, je me rappelle, il y a très longtemps. Il n'y a que ça de lui. C'est tout. Sinon, il n'y a rien de lui. Il n'a même pas un livre. Il n'a rien. S'il n'a rien du tout. Donc lui, à la base, c'était le numéro 2 à Damaj. Quand Shayah n'était pas là, c'est lui qui l'a remplacé. Donc, c'est Abdurrahman, des gens se servaient de lui. Pourquoi ? Pour semer une révolte au centre du centre de Damaj. D'accord ? Qu'il fasse son merkaz à côté, qu'il prenne tous les toulèbes vers lui, et que le Hadjouli, on laisse tout ça dans son coin. Parce que le Hadjouli, il ne veut pas suivre ce qu'on lui dit, donc on va prendre quelqu'un d'autre à sa place. Ainsi de suite. De là, des gens qui, à la base, ne sont pas forcément sur une même voie, se sont tous unis sur cet objectif qui est de faire tomber la droite de Damaj. D'accord ? Il y a même ces gens-là qui sont tous ensemble, à la base, ils ne sont pas ensemble. Mais c'est ça la hisbiya. C'est le wala ou le bara ad-dayyak. C'est-à-dire ils s'unissent pour un même but. À la base, ils ne sont pas ensemble, mais ils s'unissent pour un même but. C'est-à-dire toi et moi, on est ennemis à la base, où on n'est pas tout à fait d'accord, mais là, on a un ennemi commun à battre, donc on se met ensemble. Toi, tu te tais sur moi je me tais sur toi, et on tape l'autre. D'accord ? Donc c'est ce qui s'est passé. Plein de gens se sont alliés en vue de faire tomber justement la darwa salafia qui est à Damaj. Parmi les participants qui ont contribué à cette fitna, il y a le dénommé Mohammed ibn Abdillah, surnommé Al-Imam. Cet homme, à la base, n'a fait même pas 3 ans à Damaj, à l'époque de Chamoubil. Un temps très court. D'accord ? Un temps très court à Damaj. Et ensuite, il a sauté les étapes, il a voulu ouvrir un merkez. Alors qu'il n'était pas encore Moutamakkin. D'ailleurs, il a été cité de lui qu'il était à Damaj, il travaillait dans le matbar, dans la cuisine. C'est pas pour le dénigrer. Dans la cuisine, c'est pas un mal. Mais c'est pas tu fais 3 ans, t'es à la cuisine, après t'as un merkez, t'es chir, je sais pas qui. C'est ça qu'on veut comprendre, tu vois. C'est habba habba. Tu vois, voilà. Par exemple, chir Yahya, c'était connu qu'avant, il était haddad. C'était un... pas on dit un forgeron, mais il travaillait dans le fer, la soudure, tout comme ça. Où il a été berger aussi, il avait des moutons, ainsi de suite. Tu vois. Pour dire que c'est, on ne veut pas dénigrer l'emploi ou la fonction. Nous, ce qu'on dénigre, c'est la rapidité de la chose avant qu'elle ne soit méritée d'être obtenue. C'est ça, en fait. Des gens, en 3 ans, ils peuvent arriver à un niveau énorme. Ça arrive. Tu vois. Mais lui, non. Haq yuqal, non. Donc, il a fait ça. Et après, il a ouvert son merkez à Marbar, qui est connu. Et donc, comme pour vous dire, il n'a pas fait longtemps à Damaj. Et il est sorti à Damaj, il n'était pas Moutamakkin. Il n'avait pas pris toutes les founounes. Il était pas, il maîtrisait pas bien la chose. Même dans son merkez, il prenait encore des doulous avec des toulèbes qui étaient plus forts que lui. Ça a été apporté dans le Nahou, et ça s'est fait avec un tel qui lui donnait des doulous dans le Nahou, un tel et un tel et un tel. Mais Mohamed Al-Imam, c'est quelqu'un de baalir, d'éloquent. Il faut reconnaître ce qui est c'est la vérité. Dans ses mawa'iz, dans ses sermons, il est très fort. Il est prenant quand il parle. Même sa voix et tout, il a de la présence quand il parle, il faut dire ce qu'il est. Il est fort. Tu vois, la suite est moins fort. Et ça, c'est un truc qui attire beaucoup les gens. Quand quelqu'un il parle bien, on regarde pas c'est quoi son hasil ilmi direct. Hein, on l'aime. Même en France, on a plein des comme ça, des du'ats, ils ont rien du tout, mais comme ils vont sur une barre, ils arrivent à parler, ou ils sont à l'aise devant les gens, tu vois, tu les vois, ils arrivent à prendre les gens, à attirer leur attention, ils sont gonflés. Ça, n'importe qui, demain tu peux prendre quelqu'un, Allah lui a donné quoi, ce petit tawfiq de pouvoir s'exprimer devant les gens, à l'aise correctement. Hein? Inna min al-bayyin la sihra, c'est-à-dire de l'éloquence, il y a de la sorcellerie. Quelqu'un en parlant bien, il peut t'enforceler. Ça peut dire qu'il y a quelque chose, juste, il a une langue, il sait s'en servir. Donc lui, Mohammed l'imam, son point fort c'était ça. C'était les serments. Très fort pour ça. Et aussi il était mouchtahid. Reconnu était mouchtahid. Il écrit beaucoup de livres. Hein, beaucoup de livres. Cependant, comme les machirs l'ont démontré, ces livres, ce ne sont pas des livres, on va dire des tahrirat ilmiya. C'est pas des choses où il a vraiment fait une enquête scientifique et il sort des fiches dans le fiqh. Dans le hadith ou quoi, c'est surtout des sujets d'actualité. Tu vois, un peu comme des articles d'affaires divers. Par exemple, il va parler du hijab, mathalan. Il va le sortir les hadiths du hijab. Et après, il va le sortir, par exemple, les complots politiques extérieurs sur le hijab. Il ne va pas te faire, par exemple, un barf ennemi sur les hadiths qu'il a sortis, sur le tafsir des versets qu'il a sortis, ainsi de suite. Non, lui, c'est vraiment le sujet de façon vaste. Ainsi de suite. Il va parler des djinns, il va parler de plein de choses, mais. Pas vraiment une tariqa ilmiya kawiya. Par exemple, sortir des hadiths d'Aïfa, il ne sait même pas. Tu vois. Il va dire, An Fulain, Raoul, Hakim, Raoul, l'imam Fulani. Mais surtout, le hadith, il est d'Aïfa, il ne pourra pas te le montrer. Ou l'authentique, il ne pourra pas te le montrer. Il n'arrivera pas. Tu vois. Donc, par rapport à ça, la quantité de livres qui sont arrivés et tout, ça l'a monté en grade. Donc, son merkez a eu du succès, les gens sont venus vers lui, ainsi de suite. Et de là, les gens du Hizb Jadid, quand Shah Yahya a commencé à virer les maftouns de Damaj, encore au début de la fitna, à la base les merkez ils étaient main dans la main. Tous les marakiz salafis au Yémen étaient tous unis, soudés. Quand un était viré, personne n'acceptait, sauf si. Sauf si il y avait une autorisation du shir qui l'avait viré. Alors moi, Shah Yahya vire quelqu'un. À la base, personne ne l'accepte, ce quelqu'un, sauf si Shahia dit, c'est bon, prenez-le, mais il ne revient pas chez nous. On lui pardonne. Et quand quelqu'un, par exemple, Mohamed Al-Imam, il vient à quelqu'un de Marbar, il ne venait pas à Damaj. Moi, de propre yeux, j'ai vu une fois, un frère qui était venu, c'est un aveugle, il était viré de Marbar pour sous adeb, il a un mauvais comportement. Il avait à Damaj, en plein ders. Il a fait un truc, les gens ont dit, ouais, lui, il s'est fait virer de Marbar pour sous adeb, chez il a dit, bah lui, celui qui s'est viré de Marbar, il est viré à Damaj aussi. Il sort. Tu vois, si Mohamed il a viré, c'est pas pour rien, il sort. Il n'accepte pas. Sauf si c'est le chez Mohamed l'imam et qu'il l'excuse. Sans quoi, nous on veut pas de lui. Et c'était comme ça avant. Soudé. Et voilà que Shah Yahya vire des maftoum de Damaj qui ont fait des choses vraiment graves, connues. Ils vont à Marbar et à Marbar, mais sans accepter. Tu vois. Les gens qui, à l'époque où Mohamed l'imam disait celui qui passe sur Shah Yahya, c'est un idiot, c'est un ceci, ça, cela, des gens étaient à Damaj, ont fait une fitna. Ils vont chez lui, ils l'acceptent. Ils l'acceptent. Et il les fait devenir, au début, il dit, pas de douloureux pour vous. Vous n'êtes pas enseignant. Vous vous asseyez, vous vous posez. Et après, au fur et à mesure, on a vu qu'ils commençaient à avancer, à progresser, ils sont devenus enseignants. Comme un qui s'appelle Yassine Adani, par exemple, qui est une des têtes de ces maftouns, ou d'autres. Donc, de là, on a commencé à sentir l'odeur du complot. Il y a un truc qui ne va pas, là. C'est-à-dire, là, les choses sur lesquelles on marchait avant, elles changent. À la base, moi, et vous, on était unis. Surtout que les machères du Yémen faisaient l'éloge de Shah Yahya. En apparent, ils disaient que celui qui part sur Damaj, c'est un ceci, c'est un cela. Ils critiquaient la Adani. Ils disaient, c'est toi qui as fait la fitna. Des faits reconnus. Et du jour au lendemain, c'est parce que, enfin, du jour au lendemain, on va dire, ça a pris quand même un peu de temps. Retournement de situation. La cible à abattre, c'est le Hajjul. On sait qu'Adani, il a les erreurs, mais c'est le Hajjul, il a été trop loin. Voilà. Donc tout ça pour en venir à quoi? Qu'ensuite, cette fitna a fait un affaiblissement dans la darwa. On ne peut pas nier. Vous voyez, t'as beau être sur le haq, quand tous tes frères t'abandonnent et te délaissent, ça fait un affaiblissement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis de l'islam qui sont les rawafida ont saisi l'occasion pour pouvoir quoi? Sûrement par des gens derrière eux, bien sûr, les rawafida, c'est des humours, c'est des ânes. ne sont pas capables de faire des choses comme ça. Il y a toujours des gens derrière eux qui les poussent. Ont décidé, cette fois-ci, de s'en prendre au cœur de la salafia qui est au Yémen. Ils ont vu que maintenant ils sont faibles, ils sont divisés, c'est l'occasion de pouvoir s'en prendre à eux. Donc il y a eu plusieurs guerres, comme vous le savez, qui sont arrivées à Damaj. Et les deux principales, les deux dernières, c'était les deux blocus, Al-Hisar, Al-Awwal ou Al-Thani, lors duquel une injustice pure et une pure oppression s'est abattue sur le Toulab et sur le Shir. Ils étaient en légitime défense, donc c'était un djihad d'Af. Et bien, j'ai hâte de défense. Et vous avez vu que tous les ulama qui ont été au courant de l'affaire, tous ont mis les fatawas qu'il fallait se défendre, c'est un jihad shalaf. Sauf qui, dans le premier hissar, sauf ceux qui étaient appelés les mashayikhs, comme Mohamed al-Imam, comme al-Wasabi, comme Abu Lahi, comme al-Zamari, comme al-Sawmali, et tout cela là. Ils se disent non, il n'y a pas de jihad. Du moins, les gens de Damaj se défendent s'ils veulent. Mais à l'extérieur, il n'y a rien. C'est-à-dire, on laisse faire tuer entre eux, se faire bouffer par leurs ennemis, et personne ne vient faire du renfort à l'extérieur. On rentre dans les détails. Donc, ils ont abandonné. Ils disent, nous, on est plus savants de ce qui se passe au Yémen, sur notre pays, on est plus au courant. Donc, ces savants qui ont fait les fatawas pour le djihad, ils ont fait un effort du djihad et tout. Mais, on n'est pas des moukallidines, comme ils disent, en disant, nous, on connaît mieux notre pays, hein, on a une science de ce qu'on voit, et on voit que la chose n'est pas appropriée, c'est pas un djihad. Genre, un peu comme ils disent les Rouen, que les savants ne connaissent pas la compréhension de l'actualité. Ça revient à ça dans leur calame. Que eux en Saoudi ne connaissent rien, nous on est plus savants au Yémen. Ça peut arriver qu'un savant du Yémen, à la base, est plus savant de son pays. Mais là, c'est pas ton pays. Là c'est Mas'Allah, c'est-à-dire là, c'est un jihad. Tu peux être dans un autre pays, tu peux la comprendre. Les Rafidans, les gens les connaissent. Les Salafis, les gens les connaissent. C'est pas la peine d'être au Yémen pour savoir ce qui se passe. Et ils pensent qu'il y a des trucs politiques précis, minutieux à comprendre. Oui, il y en a, mais ils n'empêchent pas qu'il y ait un djihad. Des fois, ils sont en train de se faire tuer là, t'attends quoi? Qu'est-ce que t'attends? Donc, Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur qui fait qu'ils n'ont pas émis ces fatawas pour appeler au djihad. Il y a même eu des diffamations envers les gens qui étaient à Kitef et ailleurs. Des diffamations. Par exemple, Al-Boul'i, il y a eu un appel qui était enregistré entre lui et un qui s'appelle Ahmed Hajar, où il disait qu'il partait à Kitef justement pour. Aller porter du renfort avec des frères, et l'autre essaie de le décourager. L'audio, il est présent. Et dedans, il lui dit quoi? A'ouz billah, vous savez, par exemple, au Yémen, quand il y a des noces, un mariage, certains, ils tirent des rafales en l'air, à la calache. Il a comparé Boury, les gens qui allaient à Kitef, à ces gens-là. Il a dit, Eish, ils vont les kaif. Ils vont à des noces ou quoi? Tu vois? Hada kalam yassar, dans ce hell. Tu vois? Ça, c'est un kalam de Alim qui comprend le fiqh de son pays. Des frères vont. Sont prêts à donner leur vie, puis s'habillent. Toi, tu les compares à des larabes qui vont tirer des rafales pendant un mariage. Tu vois, ça c'est de tarkir pur, du pur dénigrement, du mépris. Tu vois, qui prouve que dans leur cœur, c'est pas al-maslahal-beled. Non, c'est y avait autre chose. Ou Allahu a'lam bih. Toujours est-il que pour en arriver au but, le shahid, c'est que Mohammed al-Imam, hadahullah, avant. Sur les Rafida, il avait un mouqif salafi, pur, clair. Il a plusieurs kutub qui sont cités dans la Malzamala, où il dit bien justement que les Rafida, c'est des koufars. Il démontre avec preuve leur koufriyat, leurs actes de mécréance. D'accord? Il les blâme, et il met en garde contre eux. Et qu'est-ce qui se passe pendant le premier Hissar, au moment où les combats font rage, au moment où on sait déjà qu'il lui, il dit aux gens de ne pas aller à Kitef, de ne pas aller faire le djihad. Il monte sur le minbar un vendredi et il dit cette parole connue que vous savez tous: la nastahil dima arafida wala amwalahum wala a'radahum ila akhirih. Hatta il dit wala nakul hada khofan li ahadin lakin tadayyunan, c'est-à-dire on ne rend pas licite le sang des rafida, ni leur honneur ni leur bien. D'accord? Et il dit on ne dit pas ça par peur de personne, mais par conviction religieuse. Donc ça, c'est un kelam. C'est-à-dire, moi, de ma religion, je vois que les Rafida, leur sang, il est pas licite. C'est des musulmans. Donc là, il n'a pas fait Qaïd. Il n'a pas dit les Awam ou les Adbar. Il a dit Rafida. Il n'a même pas dit les Houthi. Il a dit Rafida. Et tout le monde sait que, à la base, il y a un jima sur les Salaf que les Rafida, c'est le Kuffar. Donc il a sorti ça. Disons que même si, allez, les Rafida n'étaient pas des Kuffar, est-ce que tu penses que c'était le moment de monter sur une barre? Et le djihad parle comme ça. Au moment où tous les gens essaient de s'allier, même des gens de la bid'a, s'allier avec les gens de la Sunna pour combattre les Rafidah. Et toi, tu viens, hein, tu viens et tu viens tout saboter. Soi-disant par conviction religieuse, d'après toi. Alors qu'avant, tu parlais sur eux. Là, le cheikh Saïd As, rahimahullah ta'ala, va montrer dans son livre qu'il parlait sur eux. Et comme on dit, et au minimum, les Rafidah, même si on dit que ce n'est pas des koufars pour toi, c'est les Moutadirs. Donc depuis quand l'honneur du Moutadir, il est préservé? Quand on dit honneur, on ne parle pas du fait de mentir sur lui ou d'être injuste, mais de parler sur lui devant les gens. Tu as le droit. Donc au minimum, l'ird al-muslim, il est مثلاً اقتضى القرح في مثل سبب الفسق او البدع او غير ذلك, le musulman, si jamais son honneur a été bafoué par de la perversion ou de la bidra ou quoi, tu parles sur lui. Dans les limites de ce qu'il a fait en mal. Tu ne dépasses pas les limites, tu vois. Tu restes dans le mal qui est reproché, mais tu le fais. Donc son honneur, il n'est plus préservé à ce moment-là. Car lui aura causé justement ce qui justifie le fait que tu parles sur lui. Donc lui, il monte sur une barre, il dit ça. Après, il y a plusieurs paroles qui sont arrivées où il démontre que le jumeau des Rafidah, le Sabi Rafidah, il vient avec des chouboites que Chamoukbil était du même avis, ainsi de suite, et de l'oudoud ont déjà été faits, alhamdoulilah. Donc vous savez que dernièrement, après le deuxième blocus, il a sorti une feuille qui s'appelle le Wasiqa, sur laquelle il signe un pacte de paix avec Abdel Malik al-Houthi, qatalahullah, dans lequel il dit que notre Seigneur n'est qu'un, notre religion n'est qu'une, notre messager n'est qu'un, ainsi de suite, et que les différences entre nous sont secondaires, c'est-à-dire dans les foulours, hein, avec le Rafidah et le Sunna, c'est secondaire, mashallah. Et également, qu'est-ce qu'il dit? La liberté de penser. Que toi, t'as ton pensée, t'es libre de penser ce que tu veux. Et moi aussi. Tu vois? Et ça, c'est du kufr. Ce kalem-là, c'est du kufr. Huriyatul fikr, en islam. C'est-à-dire, bah, demain, bah, moi, je dis que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'existe pas. J'ai le droit de penser ce que je veux. Tu vois? T'as rien à me dire. Là, c'est chez kufr, tu vas voir ça. Tu dis ce que tu veux, moi, je dis ce que je veux. On m'embête pas, je t'embête pas, on fait notre vie. En islam, y a pas ça. Hein? En islam, y a pas ça. Bah, qu'oulil haqmi rabbikum. Et dis la vérité de ton Seigneur. Dis le haq. Il n'y a pas, tu dis non, il n'y a rien. Tu vois? Et en islam, on blâme le blâme. Ça, c'est marlouf. Donc, après cette feuille, qu'est-ce qui s'est passé? Les teneurs, les têtes du Hizb al-Jadid, de la Adani, eh bien, ils sont tombés sur Mohammed al-Imam. Et Obeid, que vous connaissez, la Badda, la qualifiée d'innovateur. En deux lignes. Un appel téléphonique, d'ailleurs, c'est hilarant parce que le frère qui l'appelle, il dit, ouais, je t'ai appelé tout à l'heure, ça a coupé, j'ai pas enregistré, est-ce que tu peux répéter? Tu vois? Il fait dans l'audio. Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Il dit, Mohammed Imam, t'as dit, Ardal, hatta yatoub, minadli wasika, wakada, wakada. Fini. Il s'est passé quoi? Bah, les moutas de Wabel, ils ont pris ça, ouais, khalas, moutadia, alatoul. On dit pourquoi? Parce que, chez Wabel, il a dit. Et pourquoi il a dit ça? Il dit parce qu'il a fait une feuille avec les Rafidah. Il a dit quoi sur la feuille? Et il dit que c'est pas des mécréants et kaza. Il dit depuis quand il dit ça? Et là, bizarre silence. On dit depuis quand il dit ça? Depuis quand il dit cette parole-là? Avant la sortie de Libana, ou après la sortie de Libana du livre que vous avez tous vanté? Tu vois, là, ils disent plus rien. On dit cette parole-là, ça fait 3 ans qu'il l'a dit. Vous le saviez. Et il n'y a pas de nouveau là. Sauf qu'elle aime, il n'y a rien de nouveau. Juste, il a un peu plus, genre, si, il y a un ihwad la tilfikr, ça, il ne le disait pas avant. Mais, c'est le fruit de cette croyance qui va suivre dans cette malzama, qui montre qu'il a de l'irjé, comme ça va venir, Inch'Allah. Donc, on leur dit, pourquoi à l'époque où, justement, des gens de Demej le dénonçaient, et montraient ses erreurs scientifiquement parlant, avec des audios et des malazims, des fascicules, vous traitez de ces gens de haddad? Et aujourd'hui, Ubaid, avec un audio de, allez, 40 secondes, s'il faut être gentil, c'est pas plus court que ça, et hop, ça y est, c'est fini, c'est venu Ikhwani. Il s'est passé quoi entre temps là? Il est où le ilm? C'est où le maintenant? Quelqu'un va te dire c'est quoi les causes de ce tabdir? On va le connaître. Et quelqu'un qui aura un petit peu de clairvoyance va sortir des points. On dit, mais ces points là, vous êtes les premiers à le dire? S'il ne savait pas, il va dire, bah, je n'ai pas connaissance que des gens l'ont dit avant nous. On va dire, si des gens l'ont dit avant vous, on va dire, qui les gens de Demej? Ah, mais eux, c'est des haddadi. On dit Akhi Haddadi ou Yahoudi ou Nasrani, El Haq Yukbel min Ayman Kam Yatibi. Et Nabi Salam, lorsque le juif a dit quoi? Nekum Tushikun Nabilah, hein? Takunwa. Nabi Salam n'a pas dit, toi t'es un juif, toi, c'est bon, on n'écoute pas ce que tu dis. Il l'a accepté, il est parti avec le Sahaba, il les a conseillés. Donc même si c'est Haddadi, s'il a dit la vérité, s'il a dit la vérité, tu la jettes, c'est Haddadi, tu la jettes comme ça. S'il a dit la vérité avec des preuves, laisse démontrer. Il te fallait au minimum, si tu n'acceptes pas de lui, tu prends ça, tu vas voir un savant, tu dis, est-ce que c'est pas ce qu'elle aime, il est vrai. Tu prends pas, tu fais comme il l'a fait à Bourrera avec ce shaitan qui lui a pris à été coursé. Tu ne lui fais pas confiance, mais tu vas voir quelqu'un qui t'a confiance, tu lui dis, est-ce que ça c'est vrai. Et s'il te dit oui, vous avez fait ça. Vous n'avez même pas fait ça. Regarde, par contre, à Hadjouli, le moindre truc, ça y est. Hein, on faisait c'était presque, comme on dit, c'était presque une cérémonie, une fête. Moins de trucs. On ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Hop, on le monte. Donc, Mohamed Imam a été critiqué pour son livre Libana, comme vous le savez. Et dans son livre Libana, il a une corrida qui s'appelle El Menhaj El Afiyah. C'est un menhaj ample dans lequel toute la Ouma rentre dedans. En fait, il appelle à quoi ? À élargir les horizons, à être moins strict, à être moins sectaire dans sa vision des choses, à être moins salafi en fait. Tu vois, à être moins Jarl Tardil, à être moins Tahvir, à être moins Tabdir, pour celui qui le mérite, bien sûr, et que, allez, on fait une vision un peu souple, on laisse rentrer des gens avec nous. Tu vois, tranquille, ouvre un peu plus les portes, elles sont trop fermées, ouvre un peu plus les portes. Alors. Donc là, qui va rentrer qui avec nous ? Qui va rentrer avec nous là-dedans, d'après toi ? L'Ikhwani va rentrer. Le Sourouli va rentrer. Le Takfiri va rentrer. Le Soufi va rentrer. Et le Rafidi aussi va rentrer. D'où ce qui arrive actuellement. Ça veut dire ça implique qu'il avait déjà avant. C'est pas nouveau. C'est juste que là maintenant, comme on disait, c'était, comme on a fait la comparaison, c'était une graine, l'arbre l'a poussé, maintenant on voit les fruits. Vous voyez, là, maintenant on voit les fruits. C'est ça qui se passe. Mais la graine, des gens l'avaient déjà vu avant. Les gens l'avaient déjà senti arriver. Et l'ont conseillé, ils ne l'ont pas accepté. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce khabith de Arafat que vous connaissez, on ne va pas reparler de lui encore, a écrit un rod à Mohamed l'imam. Dans ce rod, qui à la base, on ne peut pas nier, le rod il est réel. Le rod il est réel. Ce qu'il dit dedans c'est vrai, tu vois. On n'est pas comme moi, c'est Arafat, ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Non, ce qu'il dit dans son rod c'est vrai. Son rod il est vrai. Maintenant ce qu'on regarde c'est, pourquoi tu dis ça maintenant? Pourquoi c'est maintenant que tu dis ça? Parce que dans le rod, on voit qu'ils disent quoi? Que des gens commençaient à s'en prendre à Cheikh Rabi, à Obeid, à toute la bande là, en disant pourquoi vous taisez là-dessus? C'est que vous êtes comme lui. Vous êtes comme lui, alors ça veut dire que vous taisez. Donc là, ah, on est atteint par son mal, donc on va parler. Comme là, ça se retourne contre eux, comme on appelle le retour de flamme, alors là, on parle. On dit non. C'est pas quand toi, t'es en danger, tu vas parler. C'est un nasih pour la Ummah. La nasiha, c'est quoi? Lillah, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li amati al-muslimin, wa amatihim. C'est cette nasiha, tu l'as fait pour quoi? Pour le livre d'Allah, pour son messager, pour les gouverneurs, et pour les gens de la main, ses suiveurs. Pas pour sauver ta tête. Donc c'est un vrai conseiller, normalement, tu conseilles les gens pour ne pas qu'ils s'égarent. Donc vos conseils étaient où avant? Ou au minimum, si vous taisiez, pourquoi n'avez-vous pas encouragé ceux qui parlaient en disant « lisez ça, ça c'est bien ». Là, Foulane, il a béié les erreurs de Mohamed l'imam. Là, on est d'accord avec lui. Non, vous tapiez ceux qui démontraient les erreurs et vous faisiez l'éloge de Mohamed l'imam. Comme on disait au début. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit quoi? Quand tu vois quelqu'un qui a une erreur, tu n'as pas le droit de le défendre, de le caresser, et t'en prends ceux qui démontrent ses erreurs. Tu n'as pas le droit. À part s'ils s'y prennent vraiment mal. D'accord? Si vraiment ils font n'importe quoi, tu les conseilles. Et tu démontres qu'ils font n'importe quoi. C'est pas tu fais n'importe quoi, pourquoi? Je sais pas, tu fais n'importe quoi, c'est tout. Mais démontre-moi, je fais n'importe quoi. Et j'arrête. Tu fais n'importe quoi, c'est tout. J'ai décidé. Dictature, mon frère, dans le dîme. C'est un peu comme ça. Tu dis, montre-moi mon erreur. T'as des erreurs. Mais c'est où? T'as des erreurs, c'est tout. Ne me demande pas. T'as des erreurs. Je suis un thèse. Moi, quand j'ai des erreurs, c'était des erreurs, c'est tout. Voilà. Donc de là, ils ont démontré que la raison de ce rod qu'ils ont fait sur lui, c'est que ça se retournait contre eux maintenant. Tu vois? Et sûrement d'autres raisons encore. Allah, Allahu a'lam biha. Là, on parle de ce qui est apparent. Vous voyez ce qui est apparent. Donc là, ils ont fait leur redout. Et ça passait quoi? Mohamed l'imam, lui, dit qu'il patiente, qu'il a le haq, et que. Et ses partenaires des machaires qui étaient dans le testament ne le critiquent pas. Mais commencent à piquer ceux qui ont rod sur Mohamed l'imam. À la base, ils étaient tous ensemble. Hein. Quand je dis ça, c'est un hizb. À la base, ces gens-là, ils ne sont pas sur une voie commune. À la base, ces gens-là, ils ne sont pas alliés. Même Tani, à la base, ils ne sont pas comme ça. C'est juste qu'ils étaient comme ça, pourquoi? Pour le Hadjouli. Maintenant qu'ils pensent que le Hadjouli, c'est fini, on va régler nos comptes, maintenant. Moi, je te tape, toi, tu me tapes, et celui qui n'est pas le compte, je te tape avec toi, et ainsi de suite, c'est la bagarre générale. Donc là, ils commencent à sortir des erreurs de Machir du Yémen. Avant, il les gonflait. Quand il tapait sur le Hadjouli, il les gonflait. Maintenant, on vous connaît depuis 20, 25 ans, j'ai des dossiers sur vous, il y a du tamir chez vous, il y a des moukhalafes chez vous, ya. Il dit, c'est bien, mais tout ça, les gens de demain, ça fait longtemps, ils le disent. Et toi, tu les tapais à ce moment-là. Pourquoi aujourd'hui, tu sors tout ça? C'est quoi votre but? C'est quoi votre niya derrière tout ça? La niya, tout simplement, c'est quoi? Ça s'appelle de la hizbiya, al-wala wal-bara al-dayiq. Donc ça, c'est le mukaddima pour arriver à ce qui va suivre maintenant, que Mohammed al-Imam a des erreurs très, très, très, très graves dans la aqidah, de l'irjé, et vous verrez que l'irjé est de différentes catégories, et lui, il a été atteint par le pire. Celui qui est l'irjé al-jahmiya, comme cela va être démontré, qui est que al-iman ou al-ma'rifa fil-kalb, que la foi, c'est le fait de le savoir dans ton cœur, même si tu peux l'accepter. Parce que tout le monde, tu le sais, khalas, t'es un mu'min. Tu vois. Si tu le sais, même tu dis, je le sais, mais pourquoi? Car Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cru, il n'a pas cru de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a cru, il l'a inventé, mais il n'a pas voulu accepter la chose pour lui. Donc dans cette vision de l'Irja, Abu Talib, c'est un mu'min. Parce qu'il sait que Mohammed c'est le haq. Il le sait, mais il ne veut pas accepter. Donc lui, dans l'ambition de l'humain, lui c'est un mu'min. Et Mohammed al-Imam, vous allez voir qu'il a une forte relation avec ces gens-là dans sa croyance en ce qui touche à l'Irja. Non. Donc Shir Saïd sallallahu ta'ala avait déjà écrit à l'époque ce fascicule que nous allons lire. Je pense pas qu'on peut tenir à temps parce que le mukaddima est un peu plus long que prévu. Je pense qu'on commencera demain à lire dedans. Sur la première partie, elle est courte. Alors, elle est courte. Ce fascicule, on va le diviser en trois parties. La première partie, elle concerne les tanakudat de Mohammed al-Imam. Ces contradictions qui démontrent qu'avant, il parlait sur les rafida. Et quand est venu le temps de la fitna avec le hajouri, il les défend. Deuxième partie, c'est il démontre cette irjé qui est en lui. Troisième partie, il démontre le hukm. Des savants, des salafs, sur cette version de l'irjé. D'accord? Et le but de tout ça, c'est pour démontrer ses erreurs, bien entendu, et que tout ramène également, une fois de plus, à dire que l'injustice subie par les gens de Mej n'est qu'un complot, et que cela amène à quoi? Là, non seulement tu dévoiles Mohammed al-Imam, mais tu dévoiles toutes les manigances autour de lui et des autres. C'est pas lui seulement. En montrant, tu montres tous les autres autour de lui. Que ce soit les surnommés machères du Yémen, ou les Ashab du Hizb al-Jadid autour de lui. Pour dire, tout ça là, c'était déjà écrit par quelqu'un de considéré, avec des preuves. Et vous avez fait quoi avec? On ne sait pas. Et aujourd'hui, vous n'avez quelques lignes comme ça là. Le rat de Arafat, quand même, il ne vaut pas un tiers de celui-là. Il ne vaut pas un tiers de celui-là. Et pourtant, ils sont arrivés chez Arafat, ils dévoilent Mohammed et l'imam et... Tu vois? C'est le... Comme on dit, c'est le... C'est l'exemple de... Celui qui, soi-disant, comment ils appellent ça déjà? Le démineur, dont la bombe lui pète au visage. Il vient, j'ai le démineur, moi je vais, il y a une bombe là, je sais où est-ce qu'elle est, il se trompe de fil, ça lui pète au visage. Tu vois, t'es pas un démineur. T'es un explosé. Tu vois, t'es pas un démineur. Et ça le démontre. Et tout ça pour arriver à quoi les frères? Irvaro, Irvaro, Irvaro et Tiba al-Hawa. Attention, celui de passion. Et de prendre ce qui t'arrange, quand ça t'arrange, de qui ça t'arrange. Le haq, faut le prendre. Même s'il est amer. وكل حق ولو كان مرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دي لا vérité même si elle est amère. Et on sait que la vérité elle est dure. Mais min alamat al-iman min haraman faqa halawat al-iman la yuhib al-mar'u la yuhib illa lillah. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes que pour Allah. Et an yakuna Allah wa rasuluh ahab ilayka mimma siwahuma. Que Allah et son messager soient plus aimés pour toi que quiconque. Donc à ce moment-là, ce qui coordonne avec ce que Allah et son messager ont dit, tu suis. Si contredit, tu délaisses. Même ton père l'a dit, ton frère l'a dit, ou ton chir l'a dit, tu ne suis pas, tu ne défends pas. Car comme le chir va dire à la fin de cette malzama, une erreur, comme c'est maouf chez l'ulama, ils disent, elle khata, et jourou elle khata. Que l'erreur amène à l'erreur. Ça veut dire en fait, c'est un effet boule de neige. Tu commences par ça et tu finis par ça. Si un jour tu n'acceptes pas le haq tel qu'il est, demain tu vas venir avec des bawa'iq énormes, des énormités. Tu vas commencer par un petit mas'ala. Regardez la mas'ala des gens du masjid de Bani Hanifa, qui ont commencé par des cailloux. Avec l'histoire d'Ibn Mas'ud, et Abi Sa'd al-Khudri. Ils ont fini comment? Khawarij. Ils ont commencé par faire du tasbih. Abu Musa al-Ash'hali. Ils ont commencé par des petits cailloux, faire du tasbih. Un truc qui peut paraître anodin et minime aux yeux des gens. Ils ont fini quoi? dans les rangs des Khawarij devant contre les Sahaba. Pour dire aux gens, attention. Tu vois, ça commence par ça, et ça finit par je sais pas quoi. Mahmoud Ibn Imam, il a commencé par des trucs, et il a fini avec des masalas. Il est khatira jiddan, comme vous allez le voir. Quand même. Enfin, Inch'Allah, bien d'accord, Naktafi. On va faire nous aussi le mini Omirad, Inch'Allah. En même temps, ce sera l'occasion que vous puissiez imprimer, pouvoir suivre, Inch'Allah, la lecture de cette malzama. Bizni la ta'ala. Quand même. On a coulé, alhamdulillah, la belle alamine. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.